petite. Tu sais, dans ces moments-là, j'ai jamais trop su ce qu'il fallait faire, moi, à cracher ma haine comme on crache par terre. Mais maintenant, toi, t'es là et toi, tu sais quoi faire. La rage de vaincre et l'envie d'y croire aussi forte que moi, quand je voyais l'espoir à courir, amuser le fou rire des copains. Mais merde, où est passé cet espoir du gamin que j'étais il y a peu? Des questions, des envies, que ça fait mal de voir que maintenant t'es parti dans les bras des ennuis qui viennent avec le temps, qui te volent tes souvenirs et tes rêves d'enfant. Que faire en grandissant quand ta tête prend de l'âge? Essaye de prendre le temps de garder cette image des journées de Noël, assis pas loin du feu à réchauffer nos rêves, qu'on était bêtes à deux. Moi tu sais j'oublie pas, et oui je rêve encore à l'enfant que j'étais qui disparaît alors. Comment j'ai pu oublier tout ça? Mon âme, ma vie, on était bien à trois. Mais tu sais, j'essaye de garder cette force, et j'espère bien qu'un jour j'apprendrai à mes gosses comment prendre des gamelles, comment rire à pleines dents, comment avec une pierre on repart en courant. Je leur apprendrai l'amour qu'on a pour ses amis et la tristesse un jour de voir qu'ils sont partis. Avec la vie qui passe, qui t'enferme peu à peu dans un travail qui te lasse, qui te rend même pas heureux. J'ai appris par moi-même à vivre au jour le jour pour ne pas faire de peine, pour ne pas perdre l'amour de l'enfant qui se cache, bien enfoui dans ta tête, qui ressort sans que tu le saches. Quand il veut faire la fête, puis tu reprends une claque, tu regardes la vie, puis tu reprends conscience que tout est bien fini. Alors t'es comme un con à reprendre ta guitare qui t'a ruiné les doigts et fait pleurer le soir. Et tu parles à ton âme qui est partie il y a peu, tu sens monter les larmes, tu lui fais tes aveux. Je t'en prie, reste là, oui car je rêve encore à l'enfant que j'étais qui disparaît alors. Petite, tu sais que c'est à toi que je parle, toi mon âme, ma foi qui n'attend plus que la flamme pour sortir et crier comme tu voudrais le faire, tout détruire. Car je sais que tu en veux à la terre d'avoir caché que la vie n'est pas si simple en fait, et pour détruire une âme il ne faut qu'une allumette qui rallume la braise d'une vie qui te bouffe mais qui te laisse tranquille le soir quand tu te couches. Alors tu rêves, tu penses à l'enfant que tu étais, que si on pouvait un jour on y retournerait pour saigner des genoux, pour croire en l'avenir, pour croire que les grands sont fous de ne plus pouvoir rire. Alors tu vois, je sais que tout le monde rêve encore à l'enfant qu'on était qui disparaît alors.